fil de l'eau. Écouter les gens parler. Et puisqu'il fait beau, les croire et leur pardonner. Savoir qu'ils sont si peu fait pour tout donner, mais qu'ils font semblant de tout même t'aimer, et de leurs promesses, de leurs caresses, du rien mais qui blesse, sous leurs sourires, leurs éclats de rire, si peu à décrire. Au fil de l'eau, écoutez mon cœur pleurer. Et comme il fait chaud, laissez ses larmes tomber. Savoir qu'il a su aimer et tout donner, mais qu'il ne bat que pour vous faire espérer. Une promesse, une caresse, un jour et puis laisse le souvenir de l'avenir. Plus rien à en dire. Plus rien à leur dire.